Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, après avoir parlé de la première et de la deuxième partie sur le cinéma d'animation où nous avions abordé les origines du style d'animation, les croyances qui l'entourent, les prémices de ce style et les origines de la représentation du mouvement notamment, nous allons parler aujourd'hui du style d'animation dans les débuts du cinéma. Ceci sera donc la troisième partie. L'invention du cinéma, qui est le résultat d'un bouillonnement d'idées à la fin du 19e siècle, est entreprise à partir du moment où un support souple et résistant, et non plus des plaques de verre, des feuilles ou des rubans de papier, est mis au point par l'américain John Carbutt en 1887 et est proposé dans le commerce par l'industriel George Eastman en 1888 sous la forme d'un ruban de 70 mm de nitrate de cellulose que nous appelons le celluloïde, dont la longueur n'est plus en principe une limitation de la durée du spectacle. Avec le film, comme l'appelle William Kennedy Laurie Dixon, le spectacle cyclique des jouets de salon disparaît. La date de 1888 semble donc être un bon repère pour stopper la période du pré-cinéma et ouvrir celle du cinéma. Voilà pour la petite introduction. Intéressons-nous maintenant au théâtre optique. En 1892, Émile Reynaud présente au public un appareil qu'il a mis patiemment au point en une quinzaine d'années de réflexion et d'essais. C'est le mondialement connu Musée Grévin de Paris qui a accepté d'héberger sa nouvelle invention. Cet appareil est appelé théâtre optique. Mais comment fonctionne le théâtre optique, me direz-vous ? C'est très simple. Le public assiste au déroulement d'une histoire projetée par Reynaud en personne sur un écran installé au cabinet fantastique du musée, plongé dans l'obscurité totale. Un piano utilisé par Gaston Paulin accompagne le récit dans ses aventures. Les personnages sont dessinés et bougent grâce à un mécanisme plutôt astucieux. Ces premières projections marquent la naissance et la création des premiers dessins animés du cinéma. Émile Reynaud les appelle des pantomimes lumineuses. Ce procédé ne fait pas partie du pré-cinéma, dont chaque spectacle est cyclique et ne dure qu'une seconde ou deux. Les pantomimes, elles, durent 1 minute 30 pour les plus courtes, 5 minutes pour les plus longues. De plus, Reynaud brode son histoire et pratique déjà des ralentis, des accélérés, des marches arrière et multiplie ce genre d'effets en fonction de l'accueil du public, comme cela se pratique couramment dans le style du music-hall. Ainsi, la dame qui plonge dans le dessin animé autour d'une cabine peut sortir de l'eau, replonger, ressortir, etc. Tout cela pour le plus grand bonheur du public qui assiste ici à une véritable révolution dans le monde du cinéma. Ensuite, l'histoire reprend son cours. Autre exemple, un petit chien peut aboyer, s'arrêter, reprendre ses aboiements, se taire. Reynaud aboie à sa place. Le piano lui répond. Et ceci constitue les premières bandes-son des films. Les séances autour d'un seul titre peuvent durer jusqu'à 15 minutes. Pour ses dessins animés, Reynaud utilise une bande souple de 70 mm de large, à travers laquelle la lumière ne peut pas passer. En effet, Émile Reynaud peint ses personnages directement sur la pellicule avec des encres transparentes. La pellicule, elle, est recouverte d'encre noire opaque. La lumière ne peut donc passer qu'à travers les personnages. Avant Louis Lumière, Reynaud utilise dans la composition de ses scènes la profondeur de champ. Le jeu des personnages se déroule en profondeur tout en restant une mise en scène latérale. Cependant, un gros inconvénient vient gâcher les plans de Émile Reynaud. Il n'est en effet pas possible de faire des copies pour exploiter les pantomimes lumineuses dans d'autres salles, la pellicule couleur n'existant pas encore à l'époque. Et d'un point de vue financier, refaire les quelques centaines de dessins qui représentent chaque histoire serait une folie. Le théâtre optique ne quittera donc jamais le musée Grévin. Après de longues années, Émile Reynaud succombe au désespoir. Bien qu'ayant attiré près d'un demi-million de spectateurs, il vend sa machine au chiffonnier et va lui-même jeter ses précieuses pantomimes lumineuses dans la Seine, à Paris. Cependant, presque miraculeusement, deux pantomimes lumineuses ont survécu. Il s'agit de Autour d'une cabine et de Pauvre Pierrot. Intéressons-nous maintenant à la cinématographie. En 1894, Antoine Lumière, né le 13 mars 1840 à Ormois, en Haute-Saône, décédé le 15 avril 1911 à Paris, et père de Gaston et Louis Lumière, fait un voyage à Paris où il assiste à deux séances qui sont pour lui une véritable révélation. Une démonstration du kinétoscope et à deux pas de là, une projection d'une pantomime lumineuse. Il revient à Lyon, et convainc ses fils de tout miser sur l'étude d'une machine capable d'enregistrer des photographies en mouvement et de les projeter en mouvement sur grand écran. En résumé, il leur demande de faire une synthèse des découvertes d'Edison et de Reynaud. Les deux frères Lumière réussissent à faire cette synthèse et leur appareil de prise de vue, qui est aussi appareil de projection et tirage de copie, est un succès. Ils alimentent son marché avec des vues photographiques animées. Ces bobineaux de 35 mm, dont les perforations ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui, donc double jeu de 4 perforations rectangulaires par photogramme, mais des perforations rondes à raison de 2 par photogramme, sont appelées perforations lumière, par la famille Lumière. Parlons maintenant de l'invention du cinéma d'animation. En avril 1906, le premier dessin animé sur support argentique de l'histoire du cinéma est l'œuvre de James Stuart Blackton. Né le 5 janvier 1875 à Sheffield, dans le comté de Yorkshire, en Angleterre, et décédé le 13 août 1941 à Hollywood, en Californie. À ne pas confondre avec Hollywood, en Floride. James Stuart Blackton était un des fondateurs de la vitagraphe compagnie Humorous Phases of Funny Faces, que l'on pourrait traduire par « phase amusante de figures drôles ». Le film dure 3 minutes. Blackton lui-même le qualifie de « lightning sketch » ou « sketch éclair » en français. Le dessin est tracé en blanc et à la craie sur un tableau noir. La main de l'animateur dessine le portrait d'un jeune bourgeois au crâne dégarni, puis d'une jeune femme plutôt jolie. Les deux jeunes personnages s'envoient des sourires et des clins d'œil. Rapidement, ils vieillissent et s'enlaidissent. Le mari fume un gros cigare et souffle la fumée au nez de son épouse grimaçante. Elle disparaît dans un nuage épais, la main de l'animateur efface alors ce couple. Même les lettres du générique sont animées. Je vous conseille d'aller regarder ce tout premier dessin animé facilement trouvable sur Internet. C'est assez intéressant, assez drôle, et ainsi vous pourrez dire que vous avez vu le tout premier dessin animé sur support argentique. Blackton a inauguré ainsi une sorte de retour à la photographie. En effet, son film est tourné photogramme après photogramme, mis bout à bout, grâce à ce qu'on nomme le tour de manivelle, comme on pourrait le faire avec un appareil photo aujourd'hui. Blackton expérimente la technique voisine de la pixilation, qui est une technique d'animation où des acteurs réels ou des objets sont filmés image par image, avec son film The Haunted Hotel, dans lequel on voit, sur une table, la préparation d'un petit déjeuner sans aucune intervention humaine. Le couteau découpe lui-même les tartines, le café se verse tout seul et le lait qui déborde de la tasse apporte avec lui un petit pantin, responsable, sans aucun doute, de ce service invisible. Le procédé avait été découvert 5 ans auparavant dans un autre but. Le super accéléré. En 1901, un certain F.S. Armitage de l'American Mutoscope and Biograph Company a l'idée de concentrer en moins de 2 minutes la démolition du Star Theatre à New York. Pendant les quelques semaines que prend cette opération, la caméra reste au même endroit, bien calée, filmant à travers la fenêtre d'un immeuble placé juste en face. Le premier jour, le cinéaste prend la cadence normale, quelques secondes du va-et-vient habituel de la circulation, des calèches, des chariots et de la foule de piétons. Ensuite, durant 8 heures chaque jour, pour éviter les basses lumières et la nuit, une image est prise toutes les demi-heures. Une journée passe donc à l'écran en une seconde, à la cadence de l'époque du muet, 16 images par seconde. Les ombres portées tournoient à grande vitesse, les piétons s'activent comme des insectes, le store d'une boutique s'ouvre et se ferme à un rythme infernal, les étages de Star Theatre disparaissent l'un après l'autre. Quand seuls subsistent des montagnes de pierres que des fardiers débarrassent, un autre morceau du film, à vitesse normale, montre les piétons, indifférents aux ruines, qui vaquent à leurs occupations. Je vous conseille également de regarder ce film sur Internet. En 1907, le dessinateur français Émile Courtet, dit Émile Cole, vient de tourner une joyeuse course au potiron, c'est le titre, entièrement basé sur un trucage, la marche arrière. Le trucage qui, en quelques mots, une famille de potirons remonte une rue en pente, en bondissant. Chaque cucurbitacé entre par les fenêtres ouvertes du rez-de-chaussée et les habitants sont ébahis de voir débouler chez eux cette nourriture inattendue. En réalité, Émile Cole a filmé en marche arrière un lâcher de potiron qui a dévalé la pente en bondissant entre les maisons. Pour les plans où il pénètre par les fenêtres, les potirons ont été jetés de l'intérieur et la marche arrière a fait le reste. C'est ainsi que se termine cette troisième partie sur le style d'animation. Lors de la quatrième partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des techniques de dessin animé traditionnelles, de son processus, de la rotoscopie, du succès international du dessin animé, de son industrialisation et d'autres sujets concernant ce style, tous aussi intéressants les uns que les autres. Comme toujours, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de La Cristoire du Cinéma sur notre page Facebook Radio Gemozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. Merci d'écouter Radio Gemozo, c'était Chris,